Ami humain, bonjour. Bionic Commando. Écoutez. Les interfaces homme-ordinateur ne sont pas un sujet de recherche nouveau, mais, jusque-là, ils avaient un objectif limité, assurer un mouvement de prothèse robotique ou permettre de saisir des données sur un ordinateur en se concentrant sur certains sentiments ou des pensées de mouvement. L'armée américaine a l'intention d'aller plus loin et de créer des individus bioniques en connectant des humains à des ordinateurs. Les chercheurs développent une interface neurale implantable pour assurer le lien entre le cerveau humain et l'électronique moderne. La Defense Advanced Research Project Agency de l'armée américaine, DARPA, a dévoilé un programme de recherche intitulé Neural Engineering System Design, NED, projet de système technologique neural, qui vise à développer une interface neurale implantable, reliant directement l'homme à des ordinateurs, ce qui permettrait la mise en œuvre de soldats bioniques. Le programme NED a été lancé par Barack Obama en 2013. Il a attribué 100 millions de dollars à ce projet, pour guérir ou soigner des troubles du cerveau et des lésions cérébrales. Philippe Alvelda, responsable de la NED pour l'agence DARPA, a déclaré « Les meilleurs systèmes d'interface cerveau-ordinateur d'aujourd'hui ressemblent à deux supercalculateurs qui essaieraient de se parler l'un à l'autre en utilisant un vieux modem 300 baud. Imaginez ce qui va devenir possible lorsque nous améliorerons nos outils pour créer un lien direct entre le cerveau humain et l'électronique moderne. » À l'heure actuelle, les interfaces homme-machine permettent de connecter entre 100 et 1000 neurones à un ordinateur. L'agence DARPA a pour but de développer cette technologie de manière à relier tous les neurones d'un individu. Cela donnerait un contrôle plus fin, réduirait les parasites et, en théorie, permettrait d'accélérer les communications entre un humain et un ordinateur. Cet objectif ambitieux exigera des percées et apportera des innovations dans les neurosciences, la biologie synthétique, l'électronique de faible puissance, la photonique, la fabrication de dispositifs médicaux, ainsi que dans les essais cliniques, selon l'agence. Les travaux de l'agence DARPA ont comme objet une application militaire, mais les interfaces homme-machine donneront lieu à des applications civiles de pointe, remplacement des membres perdus, restauration de la vue et des autres sens, ainsi que le contrôle de certaines maladies. Bionic Commando est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Grain et édité par Capcom, sorti en 2009. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.